que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans le détail. La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Pour partager la musique classique avec ceux qui s'en trouvent le plus éloignés, il existe plein de possibilités et de dispositifs. En France, il en est un qui tend à surplomber les autres, le projet DEMOS. Directeur adjoint du département éducation de la Philharmonie de Paris, délégué au projet DEMOS, Gilles Delbar explique « DEMOS s'adresse à des enfants qui vivent dans des quartiers populaires où se concentrent des difficultés. L'enjeu premier est d'agir sur les mécanismes de reproduction sociale en permettant à ces jeunes de construire des compétences inattendues susceptibles d'enrichir leur capital culturel. » Au-delà de DEMOS, d'autres modèles sont-ils possibles? À quel point ceux que l'on peut trouver ailleurs sont importables en l'état? Et au fait, quand on parle de partage de la musique, de quelle musique parle-t-on? Deux invités sont réunis dans Métaclassique pour en parler, Noémie Lefebvre, qui est historienne de l'enseignement musical en France, et Alix Sarouy, auteur d'une thèse qui compare trois systèmes d'éducation musicale au Portugal, au Brésil et le fameux El Sistema au Venezuela, dispositif qui a fait du Venezuela un exemple de partage de la musique symphonique par le monde entier. C'est notamment grâce à El Sistema qu'en 1999, le chef Gustavo Dudamel a pris la direction de l'orchestre symphonique Simon Bolivar, que nous entendons dans une partition qui lui sert d'emblème, la danse numéro 2 d'Arturo Márquez. Un extrait de la danse numéro 2 d'Arturo Márquez par l'orchestre Simon Bolivar B. Alors, Alix Sarouy, bonjour. Bonjour. Il y a deux orchestres Simon Bolivar, en fait. Il y a le A et le B. Il y en a deux, en effet. Le B, c'est celui que nous connaissons, c'est celui qui fait les tournées mondiales qui ont une grande renommée. Le A est en fait une orchestre de seniors. C'est les professeurs en fait de tous ces jeunes élèves grands musiciens que nous voyons avec le B. Donc le A, c'est la même chose, mais en plus vieux. D'accord. On entend beaucoup parler d'El Sistema dans le milieu de la musique classique, mais on entend, pour ainsi dire, jamais les musiciens de eux-mêmes. Votre méthode, puisqu'elle est sociologique, est de sonder les motivations des acteurs eux-mêmes. Comment vous vous y êtes pris ? Vous êtes allé sur place ? Alors oui, moi j'ai fait une thèse de doctorat en sociologie de l'art et de la culture, plutôt sur la musique. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est les acteurs et les interactions humaines entre êtres humains, justement. Et donc j'ai voulu étudier toutes ces interactions au niveau de l'enseignement de la musique, au Venezuela, puis au Brésil, puis au Portugal, dans une façon un peu comparative. Pour le Venezuela, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que tout d'abord, je n'ai pas souhaité rester à Caracas, qui est le lieu où tout le monde va, que ce soit des invités ou que ce soit des jeunes chercheurs comme moi. On reste surtout à Caracas, on voit les orchestres que tout le monde va. Je n'ai pas souhaité faire ça, donc au moment du contact, j'ai dit ça à El Sistema, je voulais aller un peu dans d'autres coins du pays. Après beaucoup de discussions, nous avons choisi de commun accord la deuxième grande ville qui s'appelle Maracaibo, qui est du côté ouest du Venezuela, près de la Colombie. Et tout mon objectif, ça a été de me centrer sur une seule école, on appelle ça des nucleus, et donc de voir tout ce qui se passait dans cette école-là. Donc ce n'est pas une école modèle, ce n'est pas une école très connue, ce n'est pas là où tout le monde va. C'est un territoire parmi d'autres, il ne fait pas non plus office de réalité pour tous, c'est un contexte très spécifique, on pourra en parler. Mais alors, c'est quoi une nucléose ? Ce serait quoi l'équivalent français ? Ce serait une école dans laquelle on met beaucoup de musique, ou bien c'est toutes les écoles vénézuéliennes qui ont beaucoup de musique ? Non, c'est un espace physique où il n'y a que de la musique gérée par El Sistema. Et dans lesquels les enfants vont beaucoup de temps dans la semaine, mais qui est un lieu alternatif à l'école. Exactement. Au Venezuela, au contraire dans l'Europe, dans la plupart des pays, nous avons des cours d'éducation normale, formelle, le matin. Et l'après-midi, les temps sont libres. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de rues pour ceux qui n'ont rien à faire. Et pour les parents qui veulent éloigner leurs enfants de la rue, il y a la solution, par exemple, de ces nucleus. Donc on met son enfant de 1h jusqu'à 6h de l'après-midi, de façon gratuite, pour jouer de la musique. Si on reprend la phrase de Gilles Delbarre de tout à l'heure, l'enjeu premier pour ce qui est de Demos est d'agir sur les mécanismes de reproduction sociale en permettant à ces jeunes de construire des compétences inattendues, susceptibles d'enrichir leur capital culturel. Le fait de se retrouver dans Nucleos, on vient capter des compétences inattendues de fait. Oui, inattendu est toujours un mot. Inattendu. Pourquoi ce serait inattendu pour certains et pas pour d'autres ? On peut comprendre, mais ça peut être aussi un jugement déjà de base. Il se trouve que c'est quand même des êtres humains et donc qui ont toutes les possibilités d'arriver où ils veulent si on leur donne la possibilité. C'est peut-être ça qui est inattendu, c'est la possibilité de l'instrument, quoi, l'outil nucléose dans un quartier très défavorisé comme l'était celui que j'ai étudié à Santa Rosa de Agua, à Maracaibo. Ce qui s'y passe, c'est en fait très, très concret et très, y a beaucoup de boulot, quoi. C'est-à-dire que c'est des adultes, les professeurs, des directeurs. Il y a aussi des femmes de ménage, il y a de la sécurité au Venezuela parce que c'est assez dangereux. Et il y a surtout beaucoup d'élèves. Celui que j'ai étudié avait 263 élèves. Et ces élèves ont 6 jours par semaine, donc 5 après-midi et une matinée, parce que le samedi est aussi employé pour ça, la possibilité de venir. Ils ne sont pas obligés de venir, mais ils ont la possibilité de venir une fois qu'ils sont inscrits, apprendre de la musique. Et donc il y a des cours fixes, il y a des cours de tout type, individuels, collectifs, en orchestre, différents niveaux d'orchestre, des cours de chant, des cours de théorie, des cours de rythme. Donc oui, il y a un apprentissage culturel, si c'est ça que vous voulez dire. Est-ce que c'est un cursus sanctionné par des examens ? Absolument pas. La notion d'examen n'existe pas, et en même temps existe, c'est-à-dire que pour monter d'un grade à l'autre, d'un orchestre à l'autre, d'un niveau à l'autre, il faut passer des auditions, et donc les auditions, c'est le nom qu'on a donné à ces examens. ce que je veux dire par là, quand je dis qu'il n'y a pas d'examen, c'est qu'au bout d'une année, vous n'êtes pas obligé de faire un examen. Il y a pas, ça n'existe pas. Par contre, si vous sentez que vous voulez évoluer vers l'orchestre suivante ou vers un autre niveau, ou même une autre école, vous faites, oui, des auditions. Vous êtes face à un jury. Et ça, c'est très, aussi, très intéressant à observer, parce qu'ils ont une façon spécifique de le faire. Noémie Lefebvre, quand vous entendez parler d'El Sistema, qu'est-ce que vous auriez envie de faire venir en France de ce modèle-là? Non, je ne sais pas. Je pense que c'est un peu ce qu'a voulu faire Demos, c'est essayer d'attraper certaines idées dont il semblait qu'elles pouvaient être utiles en France. Moi, il me semble que, enfin, je suis pas du tout spécialiste de El Sistema dont on parle beaucoup, mais je me suis pas beaucoup penchée sur cette question personnellement. Mon idée, c'est que les délocalisations brutales sous un label de situation locale risquent de non seulement de transformer beaucoup, donner une fausse image de ce qui se passe vraiment. Et surtout de fabriquer des distorsions qui deviennent vite des enjeux idéologiques et qui échappent réellement à ce qui se passe. Donc mon sentiment, c'est que quand on parle de El Sistema en France, c'est souvent pour des mauvaises raisons et sur des espèces de slogans qui ne permettent pas vraiment de saisir ce qui peut se passer. Donc c'est intéressant d'avoir quelqu'un, un sociologue qui a fait un peu du terrain là, pour voir ce qui se passe, parce que est-ce que c'est le label, c'est le nom qui fait ce qui se passe, ou c'est effectivement des endroits phares qui peuvent être montrés comme exemplaires et qui vont ensuite servir à une rhétorique diffusée dans des ouvrages à grand public, grand tirage, etc. Donc ça, c'est pour moi une véritable question. Alix Sarwi, quand vous arrivez dans un nucléo, il y a une sorte de, pas tant de choc des cultures que plutôt un choc des valeurs. Vous arrivez, il y a une jeune violoniste qui vient vous voir et qui vous demande si vous pensez au futur. Oui, donc c'est une histoire que je raconte dès le début de ma thèse pour situer un peu la rencontre entre culture et toutes des questions un peu métaphysiques que ça pose. En fait, au bout de 2-3 semaines au Venezuela, donc dans ce fameux nucléo que j'ai étudié, j'y passais tous les jours pendant 3 mois d'abord, et puis après encore pendant un mois. Au bout de 15 jours, il y a une jeune fille qui prend son courage et qui vient vers moi, 14 ans, violoniste, avec un très beau visage indigène, et qui me regarde très sérieusement et qui me dit « professeur », parce qu'il m'appelait professeur là-bas, « professeur, est-ce que c'est vrai que vous êtes français ?» Alors je lui dis « oui, je suis français ». Et elle me dit « Est-ce que c'est vrai que vous pensez au futur en France ?» Alors là, elle m'a complètement cassé les genoux. Je ne savais pas trop quoi répondre. J'ai cherché ma réponse et très naïvement, je lui dis « Oui, écoute, je suis ici pour faire une recherche et donc une thèse. Et cette thèse, éventuellement, dans le futur, va me permettre d'avoir un meilleur boulot. » Et elle m'a regardé avec un visage très, très étonné par rapport à cette notion de futur. Et elle m'a fini par me disant que para mí lo que cuenta es el hoy, pour moi ce qui compte c'est le maintenant, l'aujourd'hui. Et donc, deux choses par rapport à ça. Je raconte cette histoire au début parce que, en effet, il faut absolument être très ouvert à l'autre, quel qu'il soit. Il ne faut pas que aller au Venezuela pour être face à l'autre. À Paris, nous sommes face à l'autre constamment aussi. Donc, il faut avoir cette ouverture et c'est ce qu'elle m'a aussi enseigné à ce moment-là. Et la deuxième chose, c'est que j'ai pris 3 mois pour comprendre cette notion du présent. En fait, elle est à New, c'est une des deux grandes familles indigènes, autochtones, pardon, du Venezuela, les Wayuu et les Añu. Elle est Añu parce qu'elle vit à côté, donc devant le fleuve Maracaibo, où est ce núcleo que j'ai étudié, qui est le plus grand lac, pardon, c'est pas un fleuve, un lac, et donc ils sont pêcheurs, et donc c'est les Añu vivent le présent. Ce qui compte, c'est l'aujourd'hui, le maintenant, il faut pêcher pour manger à midi, et non pas cette notion du futur. Je finis en terminant. Je me sers aussi de cette histoire pour dire que c'est très paradoxal. Comment ça se fait qu'un nucléo réussit à convaincre cette jeune fille de venir passer ses après-midi dans une école où on lui dit « dans le futur, éventuellement, tu réussiras à jouer de la musique » ou « grâce à la musique, tu pourras avoir un boulot ou autre chose ». Donc il y a aussi ces paradoxes par rapport au présent et au futur et comment est-ce que la musique joue un rôle là-dedans. Ça veut dire quand même qu'au sein de ces nucléos, il y a sur l'activité musicale la promesse d'un avenir meilleur. Je pense pas que les professeurs le disent. Je pense qu'au bout de 45 ans d'existence, où il y a des figures qui ont été promues par bien sûr, El Sistema, mais par le monde, par la publicité, par toute la communication qui existait en tout cas autour de ce grand monstre qui est El Sistema. Il y a des figures qui sont comme ça des héros, et tant mieux, nous avons tous besoin de figures à suivre. Donc je pense bien sûr à Dudamel, mais bien d'autres. Souvent on me parlait, alors je vais peut-être me tromper, mais je pense que c'était un contrebassiste qui venait du même nucléo, et qui ensuite est parti étudier ici au Conservatoire de Paris. Donc, moi qui étais français, toujours on me disait ça. C'est lui mon exemple, je veux le suivre lui. Donc oui, il y a une volonté de futur. Nami Lefebvre, vous vivez à Lyon. On va écouter une partition qui s'appelle Lyon de Franz Liszt. Thank you. Extrait de l'album d'un voyageur de Franz Liszt, Lyon. Franz Liszt écrit cette partition à la suite de la révolte des Canuts. Il y a donc un contenu, et quand on présente cette œuvre, on prend l'habitude de raconter le contexte et le pourquoi de son titre. Oui. Et alors, quelle valeur il a, ce récit-là, pour partager la musique ? Parce que vous écrivez « L'explication de l'œuvre tue l'œuvre aussitôt qu'elle s'érige en vérité absolue, prétend au dévoilement exhaustif du sens. » Comme si le fait de raconter que cette partition qu'on vient d'entendre se rapporte à un contexte social qui est la révolte des Canuts pouvait arrêter un peu l'imaginaire que l'on pourrait projeter sur cette œuvre musicale quand on l'écoute nu de tout avertissement. En fait, ce que je veux dire par là, c'est simplement que le langage sur l'œuvre n'épuise pas l'œuvre. C'est pas très nouveau. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de langage autour à produire. D'ailleurs, j'en ai produit justement sur cette œuvre-là, puisque ça m'a intéressé d'écrire un article sur la musique de résistance, et notamment à l'occasion de la présentation de cette pièce à Lyon. Donc c'est bien que je pense qu'il y a beaucoup évidemment de paroles à avoir autour du son, comme il y a de la parole aussi à avoir autour des tableaux. Mais c'est pas le guide de musée qui va faire le tableau, c'est pas le présentateur de concert, soit-il le plus érudit, ou le plus pédagogue, qui va épuiser ce qu'on entend, ce qu'on voit. C'est-à-dire que finalement, on peut se dire aussi que si Liszt écrit cette pièce, c'est qu'il préfère ce médium, l'écriture, et c'est son médium à lui pour dire quelque chose que les Canuts n'auront pas dit eux-mêmes, que les journaux n'auront pas dit eux-mêmes, que d'autres. Voilà, c'est un mode d'expression en fait qui ne sera pas remplacé par un autre. Donc c'est la limite en fait de la conférence avant concert ou après concert ou de l'article critique, etc., qui sont pour moi à penser presque comme des petites œuvres en soi, c'est-à-dire des petites perfections qu'on fabrique autour, mais qui ont leur propre registre. Et c'est effectivement aussi un jeu intéressant quand on écrit une thèse, par exemple, de musicologie ou d'histoire de la musique, c'est de fabriquer une belle thèse, dans le sens pas de la beauté parfaite, mais c'est-à-dire qui trouve son sens en elle-même aussi, dans sa forme, dans ses choix de vocabulaire, ses registres, ses catégories, etc. Donc, en fait, c'est percevoir l'enjeu qui est... si on arrive, par le discours, à faire percevoir des enjeux qui ne sont pas, complètement épuisés par la présentation, c'est bien. Enfin, je trouve ça intéressant. Alors là, ça veut dire qu'on organise des petits points de contact entre un public et une œuvre. Moi, je suis parfois gêné par la rhétorique de la clé d'écoute qui laisserait penser que l'œuvre est quelque chose d'un petit peu fermé, qu'il faudrait ouvrir avec des clés, et puis qui donne au médiateur et à ce discours d'accompagnement quelque chose d'un petit peu descendant qui va chercher quelqu'un qui n'y aurait pas accès pour lui donner accès. Oui, de toute façon, la question de du discours descendant, c'est vraiment la tarte à la crème des problèmes que pose la pédagogie ou l'explicitation en général. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense que nous, on sait, et que l'auditeur ne sait rien et va se remplir avec un entonnoir, ça ne fonctionne pas très bien. Donc on peut penser quand même qu'il y a un ensemble de significations et des imaginaires d'écoute qui sont là. Mais ça ne veut pas dire que cette idée de clé est forcément achetée par la fenêtre. Ouais. Voilà. Dans la mesure où, de toute façon, on a des clés d'écoute. Alors les miennes, elles se sont construites quand j'étais petite, il y a très longtemps, dans les années 70. Donc la clé d'écoute, c'était reconnaître la tonalité, en gros. Parce que c'était comme ça qu'on apprenait à l'époque à se former une oreille musicale. Donc il fallait savoir reconnaître si c'était en sol majeur, si ça passait en si bémol, etc. C'est ma clé. C'est votre clé, mais c'est pas forcément possible. Ça qui va faire que la musique va devenir, comme on dit dès le Sistema, un outil de transformation personnelle et sociale. Non, c'est un outil. Chacun construit un peu, ou chacun obtient des matériaux pour se construire une forme de. Un ensemble de significations plausibles, qui soient tenables, qui peut être aussi mis en discussion avec d'autres alternatives, mais on a forcément des critères pour entrer dans une. Et c'est probablement là où. Ça peut être aussi un critère très factuel, c'est-à-dire que quand on parle de pratique musicale, on peut apprendre des choses par la pratique sans discours, et c'est cette pratique elle-même qui va être la clé pour comprendre. Donc voilà, il faut savoir un peu, ne pas forcément tout vouloir dire et tout vouloir prescrire. Alexa, oui. Oui, je voulais réagir à ce que vous dites, parce que c'est très intéressant, et puis ça s'adapte aussi à notre travail. La première chose par rapport à la réduction qui est d'écrire sur une œuvre, et c'est la même chose pour une thèse, ce n'est qu'une réduction de la réalité sociale, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus beau et beaucoup plus mauvais peut-être aussi. Donc il faut absolument intégrer cette réduction que nous faisons à chaque fois. Mais ça peut être un bel exercice tel que vous le dites. La deuxième chose, c'est par rapport à la clé d'écoute. Ainsi comme je ne pense pas non plus qu'il y ait de clé d'écoute, il n'y a pas de clé d'enseignement, ce qui est quelque chose qui est très remis sur tous les projets qui veulent imiter El Sistema. C'est comme s'il y avait une façon d'enseigner qui allait fonctionner pour tous les élèves du monde. Comme ça si, n'existe comme pas. Comme si c'était une recette, alors qu'en fait, ce n'est pas une recette. Il n'y a absolument pas de recette, ni même à El Sistema. Chaque nucleo a sa propre recette qui prend beaucoup de temps à être découverte, à être trouvée. Les professeurs me disaient, j'ai pris 2 ans à apprendre à enseigner. Et c'est le petit là qui m'a appris à lui enseigner, si je me fais comprendre. Donc il y a tout cet échange. Est-ce que le répertoire qui se pratique dans un nucléo est adapté à cette ambition de transformation personnelle et sociale ? Écoutez, le répertoire a surtout une, si j'ai bien compris, ils appellent ça donc le répertoire séquentiel. Il y a une histoire de répertoire, il y a une façon de le penser qui est, plutôt que des raisons esthétiques, avant tout, à la base, des raisons physiques. Le doigt de la main gauche, d'abord celui-ci, et puis après l'autre. Donc les œuvres sont pensées par rapport au travail physique que l'instrument exige. Et une fois qu'on aura les outils physiques, on pourra ensuite passer vers d'autres étapes, notamment l'interprétation qui est bien au-dessus, et puis après il y en a bien d'autres. Mais je pense que le répertoire est vraiment pensé d'abord au fil des années, du point de vue au fil des niveaux, il y a techniques. Des paliers, ouais. Et le côté physique, et le côté aussi ludique, le côté bonheur, le côté on va rigoler dans le concert, c'est très rythmique, il faut aussi attacher, enfin trouver des modes d'attache pour tenir ces enfants qui ont autre chose à faire peut-être, donc il faut trouver des raisons, notamment rythmiques, pour les intégrer. Noémie Lefebvre, dans la suite de votre réflexion sur les musiques de résistance, vous évoquez le deuxième quatuor de Schoenberg en pointant que là, il y a des arrière-pensées sociopolitiques et derrière la complexification du langage musical. Derrière ou avec, plutôt. Oui, c'est en fait, je ne me souviens plus très bien ce que j'ai dit à l'époque, parce que ça fait un petit moment que j'ai écrit ça, mais l'idée, c'est plutôt que, et c'est vrai aussi pour l'écriture, en littéraire, c'est que certaines musiques empêchent, certaines formes de composition, certaines idées musicales, même à l'insu parfois de leurs compositeurs, viennent exclure des possibilités ou des mondes. Et c'est dans la figure de Schoenberg, c'est très intéressant, parce que c'est quelqu'un qui a essayé vraiment de rester en Allemagne et se prétendre allemand le plus longtemps possible avant de se décider à émigrer, et n'est pas forcément conscient que sa musique dérange, en fait, et dérange un certain monde musical, mais surtout un certain monde politique. Autrement dit, les idées politiques, musico-politiques, ne sont pas des idées politiques pures. C'est autre chose. Mais il y a des résonances fortes. Et dans l'écriture, de la même façon, des styles littéraires, par exemple, vont être associés à des spontanément par le lecteur à tel ou tel monde social, à telle ou telle manière de s'exprimer. Ce qui fait que des écrivains peuvent aussi, et dont je fais partie quand j'écris, choisissent une forme qui exclut des lecteurs et non pas les appelle. C'est-à-dire, je ne veux pas, par exemple, que les fascistes trouvent que mon livre est bien. Je ne veux pas. Donc, dans l'écriture elle-même, sans que j'en sois forcément pleinement consciente... Vous avez quand même intériorisé. Je sais très bien à qui je ne veux pas parler, au moins. Voilà. Ou mon écriture le sait. Donc ça, je trouve ça intéressant, c'est de se dire que finalement, il y a tout un ensemble de mondes sociaux qui sont adossés à des pratiques artistiques et qui ne sont pas forcément, comment dire, on ne peut pas uniquement les rétrécir à un seul point de vue qui est pertinent, c'est celui de l'émancipation possible ou pas, de l'interdiction ou pas, enfin la littérature un peu bourdieusienne sur laquelle s'appuie Demos me semble un peu légère, dans la mesure où il n'y a pas du tout que cette dimension-là dans la posture d'émancipation que simplement avoir accès à des choses qui sont plus difficiles d'accès, etc., dont on serait privé, ce qui est vraiment une rhétorique des années 60-70 qui était valable à l'époque, mais qui ne peut plus être pensée uniquement comme ça. Voici un extrait de ce deuxième quatuor de Schoenberg. Vous écoutez Métaclassique, une émission de David Christoffel. Extrait du deuxième quatuor d'Arnold Schoenberg, Noémie Lefebvre. On parlait de ces difficultés d'accès sous forme de paliers. Quand on parle de démocratisation culturelle, est-ce que ça veut dire qu'on se condamne à pyramidaliser l'accès au répertoire en quelque sorte ? Non, je pense en fait qu'on ne peut pas raisonner, en tout cas pour le cas de la France, sans tenir compte de l'immense poids que peut avoir l'histoire des politiques musicales et des politiques culturelles dans leur globalité qui fonctionnent depuis André Malraux, et même s'il y a eu évidemment d'autres paradigmes qui sont intervenus depuis, sur le mode de la démocratisation d'abord. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres modes, mais ce mode-là est encore extrêmement actif. Et c'est l'idée que toute politique publique culturelle doit œuvrer pour l'accès de tous à la culture. Oui, alors la question après, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que cet accès. Il y a eu plusieurs étapes. Une première étape étant de dire le premier accès, c'est de permettre la rencontre avec les œuvres. C'était toute la politique d'action culturelle qui a été en fait très critiquée, notamment en 68, mais les critiques ont commencé à apparaître dès 64. Et dont les critiques disaient, mais il ne suffit pas d'être en face d'une œuvre pour être émancipé par cette œuvre, ce qui est absolument vrai, en fait, on le sait très bien. Donc, et puis, est-ce que l'œuvre elle-même est de la finalité même de la politique culturelle? Donc ça aussi, c'est une question. Est-ce que c'est une politique patrimoniale de maintien du patrimoine, de développement d'un patrimoine, et qui serait auquel le public, au sens le plus large, donc la population, la société française, devrait accéder? Accéder, ça veut dire aussi dépendre d'une ouverture possible d'un endroit où seraient cachées les œuvres magiques qui nous viendraient d'un seul coup viendraient nous concerner. Or, on peut aussi réfléchir en termes de pratiques qui seraient pas nécessairement modélisables sous une seule forme. Et je pense qu'un des problèmes qu'on peut soulever avec Demos ou El Sistema tel qu'il se présente ici en France, tel qu'il nous est présenté, c'est que ce serait le seul modèle. Un seul modèle et un modèle extrêmement descendant qui fonctionne sur le mode de la sélection en club de foot, c'est-à-dire du repérage d'enfants plus doués qu'il faudrait pousser au maximum pour qu'ils arrivent à s'émanciper d'un milieu social qui, de toute façon, dont il faudrait en fait les extraire. Ce qui veut dire aussi que l'idée que la seule émancipation possible, c'est de couper avec son propre milieu, ou couper avec sa famille, avec l'endroit où on vit. Or, c'est pas ça l'émancipation. Et là, à mon avis, il y a un problème qui est un problème très 19e siècle, c'est-à-dire que l'émancipation individuelle est toujours le modèle bourgeois, en fait, qu'intègre parfaitement l'État actuellement. C'est-à-dire que si tu réussis, la vie en sera transformée pour toi, et puis tant pis pour ce qui est autour. Donc pour moi, c'est un problème, en fait, cette image du virtuose, de virtuosité, parce que si on regarde bien ce qui se passe dans l'enseignement musical, dès qu'on partant de l'idée du groupe, donc peut-être la bonne idée de Demos et d'El Sistema, c'est de partir du groupe, de l'orchestre, du jeu ensemble, de la fabrication de l'idée qu'on se déplace, qu'on ne fait pas venir dans une institution, mais qu'on crée une institution, ou qu'on déplace l'institution à l'endroit où on peut faire quelque chose en groupe. Finalement, ce sera quand même pour revenir vers un modèle qui individualise, sélectionne, et puis finalement, on fabrique quand même plutôt des désastres sociaux qu'une vie musicale sur place active. Avec la question de l'acculturation aussi, qu'on aura peut-être l'occasion d'approfondir tout à l'heure. D'abord, une question du bibliothécaire et éditeur Omer Corlet pour Alix Saroui. Bien sûr, la question que je me posais, c'était par rapport au projet Demos. El Sistema et le projet Demos. Qu'est-ce qui fait la différence, ou du moins ce qui fait la différence, peut-être entre le contexte sud-américain, proprement dit, et le contexte européen? Les Européens voient toujours l'orchestre symphonique comme une structure vieille, hiérarchisée, verticale, par une opposition à la société qui serait plus horizontale dans son mode de relation. C'est une approche interrelationnelle qui est présente dans votre travail, et j'ai l'impression que Demos souvent vous critique par le manque de pédagogie, en disant « tiens, ils n'ont pas repris le modèle de Paulo Freire de la pédagogie des opprimés », et puis que vous-même, vous voyez le modèle Demos comme quelque chose comme un projet qui n'a pas compris l'importance sociologique de votre démarche. La notion de sociologie est que cette sociologie va modifier les deux acteurs. L'acteur des jeunes qui viennent là, et des familles, parce que ce n'est pas simplement les jeunes, vous montrez bien que c'est un groupe global, une, comme on dirait au sens de Mauss, une société globale, une société d'ensemble, qui va se trouver modifiée, mais qui va aussi modifier le corps enseignant, inventer une interrelation entre les deux, que vous ne définissez pas comme une pédagogie, ni comme vous ne vous projetez pas comme un modèle, mais vous faites confiance aux acteurs sociaux dans leur capacité de s'écouter, de se comprendre et de trouver les solutions. Donc on n'est plus dans un modèle fondé, ou du moins la notion d'orchestre qui est présente, n'est plus comme un modèle extérieur qui vient s'imposer à une communauté, mais plutôt une communauté de musiciens qui se met ou qui rencontre une autre communauté qui est la communauté sociale vénézuélienne, par opposition au modèle français ou occidental, où on est encore comme un corps, plus exactement, le corps enseignant ou le corps des enseignants de la musique qui rencontre une population, un groupe, une sociologie, mais qui n'a pas la même articulation en termes de collectivité. C'est là que j'aimerais savoir s'il y a bien ça, cette opposition entre une pédagogie qui est à faire, à construire, comme faire la musique au sens où l'entend le sociologue américain, autrichien américain Alfred Schütz, ou si on est dans un modèle qui reste, je dirais, un peu néocolonial. Ça veut dire on apporte un modèle et puis on va voir comment les autres vont s'inclure dans le modèle. Alex Haroui. Oui, tout d'abord, je ne me considère ni spécialiste d'El Sistema et encore moins de Demos, que je ne connais beaucoup moins. C'est-à-dire que El Sistema, j'ai quand même eu la chance de pouvoir y être, de travailler, d'être sur le terrain. Demos, beaucoup moins le cas, peut-être en 2009-2010, mais c'était il y a longtemps, donc je ne pourrais pas trop faire cette comparaison-là. Quand même, je pense qu'on peut réfléchir ensemble. En effet, je pense que la sociologie, parmi d'autres, l'anthropologie, la géographie, la psychologie, ce sont des sciences qui finissent par être des outils qu'il faudrait plus lire, plus écouter, plus travailler, plus confronter aussi, donc, pour que ces El Sistema, Demos et tous les autres projets qui prétendent se servir de la culture des arts comme instrument d'inclusion, d'éducation, d'émancipation sociale, puissent mieux le faire. C'est-à-dire que je pense qu'il faudrait beaucoup plus travailler en commun. Ce n'est pas une revendication de ma part. Les professeurs sur le terrain en demandent, mais en demandent beaucoup. Ils se sentent un peu, surtout en Europe, seuls face à un contexte qu'ils ne connaissent pas. Ils ne viennent souvent pas de ce contexte-là, de ce milieu social, économique, des problématiques que ça a. Et donc, ils ont des difficultés à communiquer, à être. Et l'être peut être très symbolique aussi, hein, la façon de s'habiller, comment on s'habille dans certains lieux, comment on parle, le langage. Ensuite, la musique, ils l'ont, ils savent, ils ont appris la musique, peut-être au conservatoire, ce qui peut déjà en soi être un problème. Donc, toutes ces problématiques-là, je pense que ma thèse déjà donne certains outils pour réfléchir à tout ça et qu'il y ait plus de dialogue entre les arts et les savoirs. Ensuite, bien sûr qu'il n'y a pas de façon de faire. Les Vénézuéliens disent modelar, donc modeler, comme si l'être humain face à nous, l'élève, mais le professeur ici, et le directeur, et le quartier, étaient des pâtes à modeler, qu'on peut modeler et retravailler. Et le modeler, c'est pas qu'avec nos mains, il y a les mains sociales, il y a tout un contexte qu'il faut absolument comprendre, donc c'est tout ça. Ensuite, le poids symbolique de l'histoire, telle que vous le disiez, la culture, mais aussi de l'éducation musicale en France, est très important. Qui sont les institutions, comment elles fonctionnent, quel est leur poids, quels sont les combats internes entre directeurs, entre financeurs, entre égaux, tout ça existe, et pas qu'en France, partout dans le monde. Donc il faut absolument comprendre tout ça pour ensuite mieux le travailler. Et puis pour finir, oui, le faire, l'action, ce qui compte dans tous ces cas-là, c'est vraiment l'action. L'action ayant tous les outils dont je parlais avant, et l'action qui s'adapte, l'action qui cherche. Un des gros défauts de tous les projets qui essaient d'imiter El Sistema, c'est qu'ils croient qu'il existe une façon de faire. Il n'existe pas de façon de faire, ni même à El Sistema. Il faut aussi, à mon avis, sortir de ces carcans symboliques que sont Dudamel, mon cher Dudamel, Maestro Abreu, enfin toutes ces figures tutélaires, mais ainsi comme Bernstein ou même Schoenberg, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'il existe beaucoup plus d'acteurs que ces gens-là, notamment au Venezuela. 9000 professeurs, ce sont des gens, au contraire de moi, qui suis resté 4 mois, qui sont encore aujourd'hui, même après toute cette crise. Donc les professeurs, je pense que c'est un peu les grands oubliés de toute cette histoire. On parle beaucoup des élèves et tout ça. Les professeurs, ce sont des gens qui font un travail incroyable avec des difficultés énormes et qui donnent de leur corps, de leur énergie, de leur savoir, de leur pédagogie. Et donc, il faut absolument les valoriser. Dernière petite chose, si vous me le permettez. J'avais écrit un petit article qui s'appelait « Adapter pour mieux adopter ». Oui, on veut adopter El Sistema ou quelque autre Suzuki ou ce qu'on voudrait dans un contexte, mais il faut s'adapter à ce contexte et non pas imposer. L'imposition, nous le savons historiquement, ne fonctionne pas. Donc il n'y a pas un modèle El Sistema, il y en a 9000, c'est ça? Peut-être bien. C'était l'orchestre Demos de Brest, enregistré le 5 décembre 2018. La Philharmonie de Paris a publié un livre, le projet Demos, qui recueille un certain nombre de contributions sur le programme. Et il y a un article de Martha Amico qui s'intitule « Lully à la Courneuve » qui a relevé des considérations de parents d'élèves. Par exemple, une mère qui dit « En musique classique, je connais par exemple Édith Piaf, je l'aime beaucoup parce qu'en fait sa fille joue Édith Piaf à la flûte et pour elle, la musique classique, c'est ce que l'on apprend à sa fille à jouer à la flûte. Il y en a une autre qui dit « La musique classique, c'est la musique de France ? Non, je ne la connais pas, nous on vient du Maroc. » Ce qui est repris positivement par une autre mère qui dit « Demos permet à nos enfants de toucher aux instruments classiques, c'est leur offrir l'histoire de France, c'est leur permettre de connaître l'histoire culturelle française et toucher du doigt, reconnaître la richesse de la France. » C'est-à-dire que ça fait de la musique de tradition classique, occidentale, une musique parmi d'autres, qui est l'autre culture que celle avec laquelle on vit en France, par exemple. Oui, ça, au moins ces phrases-là laissent présumer qu'il existe une autre musique, Donc, ce qui n'est pas forcément une évidence dans les... quand on regarde l'histoire des politiques publiques, cette pensée-là, c'est qu'il y a au moins une autre musique, voire plusieurs. Et de la même façon que dans les écoles, en quatrième, on pourra dire à un conseil de classe, ah, il ne parle pas très bien français. Oui, mais il parle 5 langues. Donc, il parle très bien français, en fait, aussi, par rapport à toute la richesse. À l'ampleur voilà. de et, sa pluralité linguistique. Et le prof, lui, ne connaît pas qui parle arabe dans les... Quels sont les profs qui parlent arabe alors que la moitié de leur classe parle arabe couramment et l'écrivent. Donc cette question-là, c'est aussi de... Enfin, c'est toute la question de la médiation actuellement qui se pose, c'est avec, de quoi, de quelle culture on parle, en fait. De quelle culture, à qui elle appartient et, plus prosaïquement, quelles institutions la portent et de quel droit. Et il me semble que dans tout ce projet Demos, qui est un projet... typiquement de démocratisation musicale, culturelle, l'évidence, c'est que des institutions publiques qui vivent de la subvention publique ne peuvent pas être totalement légitimes si elles ne s'ouvrent pas à l'ensemble de la société. Et sans aucune autre partie que celle-là, ça suffit à penser, et ça a été mis en place, alors pas sous cette forme-là, mais dès les années 60-70, il y a eu des démarches d'animation musicale qui étaient une partie de la politique musicale en France, avec l'idée que cette musique qui est celle, non pas forcément la musique française, mais la musique en tout cas institutionnelle de l'enseignement en France et aussi de la diffusion, et ben cette musique-là ne pouvait pas concerner uniquement une infime partie de la population. Disons que ça suffit, du point de vue politique, à dégager le désir, la nécessité de faire de la démocratisation en dehors de l'institution. Ça ne veut pas du tout dire que ça ne fabrique pas de la violence sociale, du déni culturel, des problèmes plus que ça n'en résout, parfois, et notamment la question de l'émancipation par la culture. À partir du moment où cette émancipation est proposée par des gens qui sont des aveugles culturels, des sourds à la culture, ce que tu relevais tout à l'heure aussi à propos de l'incapacité à pouvoir imaginer d'autres modes vestimentaires que la sienne, ou de se sentir bien dans d'autres habits que les siens, ou de simplement de comprendre qu'on a soi-même un ensemble vestimentaire qui correspond à un environnement social particulier. Cette pensée-là n'est pas très présente, en fait. Hein. Et c'est normal, c'est compréhensible dans le cadre d'une politique de démocratisation. C'est aussi pour ça qu'on essaie, par ailleurs, alors c'est un des modes possibles et existants, même au sein du ministère de la Culture depuis les années 80, c'est qu'il y a des possibilités de reconnaissance des diversités de pratiques. Et donc des diversités de culture. Voilà. Oui. Et donc aussi des possibilités d'émancipation qui ne passent pas par ce modèle-là, qui est le modèle patrimonial principal. Cette incompréhension-là, on la retrouve aussi au Brésil et au Portugal, qui sont les deux autres pays que vous avez étudiés, Alix Saroui, hors du Venezuela. Absolument. Juste revenant un peu en arrière, je pense que le grand problème, c'est en fait de savoir avec qui est-ce qu'on essaie de travailler, qui sont ces jeunes. C'est trop facile d'essayer d'adopter le système. On ne comprend pas non plus ce qui se passe au Venezuela, c'est-à-dire que 90% de la population est catholique. Il y a un nationalisme au Venezuela, mais bien avant Chavez et tout ça. Je parle culturellement du pays, de l'histoire de ce pays, le nationalisme extrêmement profond. Enfin, ce que je veux dire par là, et on pourrait aller loin, mais il y a tout un ensemble de facteurs qui unit une population dans ce territoire-là qui s'appelle Venezuela. Ce n'est pas vraiment le cas au Portugal, en France, le Brésil peut-être quand même, même s'il y a plus de religions d'origine africaine qu'en anglais et tout ça. Donc il faut comprendre aussi de quelle population on parle. Et ça, c'est très important. Je pense que la diversité, par exemple, de la population française est une richesse et c'est à partir de là qu'il faut travailler. Okay. Je suis assez étonné qu'on emploie encore la démocratisation de la culture. Je pensais qu'on était déjà passé à la démocratie culturelle, qui donc ne pointe pas une culture, plusieurs cultures, et nous les démocratisons. Donc nous avons l'espace pour la différence. Donc ça, et deuxième chose, le Portugal, dans ce côté-là, fait un très bon travail, je pense, notamment son Orquestra Geração, qui a maintenant 12 ans. Le Portugal, comme la France, est un pays colonisateur. Mozambique, Angola, Timor, Guinée, tout ça, Brésil aussi. Et donc, nous avons, dû à tous ces faits historiques, aussi la chance d'avoir beaucoup de populations immigrées ou issues de toutes ces ex-colonies. Orchestre Jérusalem, ce qu'elle fait, c'est que sans perdre ce format symphonique, parce qu'en fait, c'est surtout d'un format dont on parle, la symphonie, l'ensemble, un grand groupe de personnes qui jouent des instruments dits classiques, a fait des arrangements de toutes ces cultures-là. Et donc, on a du Cesaria Evora. Et on a même des pays de l'Est de l'Europe, parce que nous avions eu à 10 ans, 15 ans au Portugal, une grosse immigration ukrainienne et tout ça. Et donc, il y a beaucoup d'élèves qui viennent aussi de ces cultures. Et donc, de joindre leur culture, en plus musicale, incroyable dans les pays de l'Est. Les gitans, la population gitane au Portugal, très importante aussi. Et donc, dans un ensemble où il y a 150 gamins qui sont tous de cultures différentes, de sensibilités différentes, de religions différentes aussi. Comment, en employant ce système symphonique et cette école qui prend 4 heures par jour, comment unir dans la différence? Et c'est tout ce travail-là, et c'est possible. Donc il faut absolument trouver les outils. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'écoute de l'autre, mais la symphonie, parmi d'autres façons de s'exprimer, peut être un bon outil pour ça. On va se quitter avec une œuvre de Ricardo Castro. Vous pouvez peut-être nous dire qui est-ce? Oui, on a beaucoup parlé d'El Sistema, mais en effet, j'ai beaucoup travaillé sur le Neo-Giba et puis sur l'orchestre de Jerezão, donc au Portugal. Neo-Giba est un très beau projet de Salvador de Bahia, qui a aussi maintenant 11-12 ans. Et qui est donc dirigé par Ricardo Castro, qui a eu une carrière avant tout ça. C'est un pianiste de renom mondial, brésilien, de Bahia, très important, qui continue, je pense, encore à enseigner en Suisse aussi, très lié à la France. Mais bon, maintenant, il est surtout focalisé sur ce beau projet qui s'appelle Neo-Giba, qui est aussi un projet qui évolue, qui trébuche et qui se relève et qui repart. C'est des êtres vivants, hein, tous ces projets, donc il ne faut absolument pas les idéaliser. Il faut les aider comme on peut, les critiquer lorsqu'il le faut, mais faire monter cette sauce musicale. Merci beaucoup Alix Saroui, merci Noémie Lefebvre. Je rappelle que pour réécouter le début de l'émission si vous l'avez raté ou les émissions précédentes de Métaclassique, vous pouvez vous connecter sur metaclassique.com.